Mira, me entiende. Ojalá hay un almenso agua. Thank you. bien des choses, mais ne le joue pas tout. Vous n'avez pas l'oublier, mon ami. C'est un conseil. Un conseil d'ami. Toujours prêt à trahir des valeurs. Arizona,

Thank you.

Chopper, chopper, chopper, chopper, chopper. Nobody. Nobody.